J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. Bienvenue, vous êtes sur Radio Dio dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois à 17h. Alors là, vous avez bien remarqué, on est le deuxième mercredi du mois de septembre, on est le 13 septembre 2023, il est 17h. Et bon, c'est une. j'étais pas dispo le mercredi dernier, voilà, on m'a permis de. On m'a proposé ce créneau pour le remplacer, mais le mois prochain, ce sera le premier mercredi, ce sera le 4 octobre. Alors pour l'instant, on est le 13 septembre. Et le mois dernier, on avait prétexté l'anniversaire du bombardement de Nagasaki, le 9 août 1945, pour faire un retour sur l'invention de la bombe atomique. Et aujourd'hui, on va plutôt faire une émission culturelle. On va parler d'un film documentaire et aussi lire un bout de texte de Jean Giono. Vous allez voir, on va bien sûr entrecouper tout ça de quelques actualités parce que le film documentaire parle de quelque chose qui s'est passé dans les années 80 et le texte de Jean Giono n'est pas tout neuf, il date de 1934. Alors aujourd'hui, on ne fête pas d'anniversaire horrible, à moins que... Non, c'était un 19 septembre. C'était le 19 septembre 1980, à 3h du matin, en Arkansas, aux États-Unis, qu'un missile nucléaire du nom de Titan II explosait, dont son silo de lancement, c'est-à-dire aux États-Unis, dans l'Arkansas. Alors, Arte en a fait un documentaire d'une heure et demie sur cet accident, mais ce qu'on peut retenir rapidement, c'est qu'une fausse manip a endommagé le réservoir de combustible de ce missile et le combustible s'est mis à fuir. Donc dans le docu, ça ressemble un peu à un film de science-fiction, mais effectivement, pendant des heures, ça a paralysé tous les employés de la base qui ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'ils devaient évacuer la base? Mais évacuer seulement la base? Mais jusqu'où évacuer? Parce que le missile Titan II était composé d'une tête nucléaire et la charge nucléaire de ce missile était trois fois plus puissante que l'ensemble des bombes larguées pendant la Deuxième Guerre mondiale, Little Boy et Fat Man inclus. C'est-à-dire trois fois plus puissante que toutes les bombes qui ont été larguées, plus celles qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. On est sur le sol américain le 19 septembre 1980, enfin plutôt le 18, la veille. Et heureusement, alors entre guillemets, parce qu'il y a quand même eu un mort et des blessés, Heureusement, à 3h du matin le lendemain, le 19 septembre 1980, c'est uniquement le combustible du missile qui a fini par exploser et pas l'ogive nucléaire qu'il contenait. Alors ils ont retrouvé l'ogive dans un champ un peu après. Alors heureusement, disais-je, mais pendant tout ce temps, pendant le début de la fuite, donc aux alentours de 18h la veille jusqu'à 3h du matin, les employés ont eu toute une soirée et une bonne partie de la nuit pour se dire qu'ils avaient devant leurs yeux ce qui allait détruire et irradier une bonne partie des États-Unis. Peut-être ont-ils eu le temps de penser que ce vieux missile, le vieux Titan II qu'ils ont devant les yeux, qui menace d'exploser, aurait dû être démantelé depuis longtemps. Et oui, effectivement, s'il n'a pas été démantelé, c'est seulement parce que Jimmy Carter voulait qu'il compte dans les négociations de désarmement nucléaire avec les soviétiques. Voilà, on garde un vieux truc, on allonge sa date de péremption pour pouvoir après le négocier pendant les protocoles de désarmement qui ont suivi. Voilà à quoi tiennent parfois, et bien souvent dans le domaine militaire, voilà à quoi tiennent les catastrophes, les accidents. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des déclassifications secret défense, on apprend qu'il y a eu plus de 1000 accidents de ce type sur le sol états-unien. Ça fait froid dans le dos de se dire que les missiles ont été de nombreuses fois susceptibles de péter sur leur propre sol. Bon, s'il y a eu plus de 1000 accidents, pourquoi je parle de celui-là ? Bah, parce que c'est bientôt son anniversaire déjà. Et aussi pour nous replacer dans les années 80, ce sera le... Les années 80, ouais. On se replace un peu dans les années 80, bon, on peut les écouter un petit peu, les Sex Pistols. On continue. Donc pour se replacer dans les années 80, parce que le 12 décembre 1979, l'OTAN prend sa fameuse double décision. Alors une double décision, qu'est-ce que c'est ? C'est premièrement de moderniser son arsenal nucléaire en Europe en installant plus de 500 missiles nucléaires sur le sol européen. Et en même temps, de proposer aux soviétiques un, je cite, un équilibre nucléaire global moins élevé. Voilà comment on voyait le « en même temps » à l'époque. En même temps, j'installe plein de missiles et je négocie pour qu'il y en ait moins. Et c'est comme ça que dans le pays de Galles, vers Newbury, dans le petit bled de Newbury, on apprend que des camions passeront avec des missiles. La suite, elle est racontée dans le film « Des femmes face aux missiles » de Sonia Gonzalez, sorti en 2021, qui parle de la lutte de femmes contre l'installation de missiles au Royaume-Uni. Je vais passer 3 extraits de ce film. Vous avez dit que ça allait être culturel. Voilà, un petit film documentaire. Je commence par une première séquence. Et tant pis pour les Sex Pistols. Je suis née à une période où une menace réelle pesait sur nos vies. Pour la première fois de l'histoire, nous étions en mesure d'anéantir l'espèce humaine et nos responsables politiques semblaient prêts à en prendre le risque dans une course à l'armement. De la même façon que la jeunesse d'aujourd'hui a une peur viscérale du changement climatique, comme nous le devrions tous, c'était pareil avec la bombe atomique. « European defense ministers are seeking agreement on the modernization of their forces by the deployment in West European NATO states of over 500 new American tactical nuclear missiles. Good morning, everyone. The meeting of the political committee is called to order. Au début, personne n'a pris la mesure de cette décision parce qu'elle avait été réduite à un tout petit filet dans la presse. L'OTAN modernise son armement en Europe. Quand on dit modernise, on pense à l'achat d'une nouvelle machine à laver, à la vie domestique. Le terme ne traduisait pas l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Je me souviens de ce prospectus en papier glacé bleu pâle qui était distribué aux habitants de Newbury. Il disait en substance, « Vous allez sûrement voir passer des engins militaires. Ils sont là pour vous protéger. Ils transportent des missiles pour vous défendre. » Dans le cadre de la politique de défense de l'OTAN. Il y avait cette théorie selon laquelle, si la guerre nucléaire devait par malheur éclater, elle serait confinée à l'Europe, ce que les Américains appelaient le théâtre d'opérations européen. Mais le problème, c'est qu'on vivait dans ce théâtre d'opérations européen. La décision d'implanter des missiles en Europe était avant tout une riposte des États-Unis et de l'OTAN face à l'URSS. Elle n'avait pas été débattue au Parlement. Et c'est l'OTAN qui avait choisi les sites aux Pays-Bas, en Sicile, en Allemagne, etc. C'est à Greenham Common que les missiles seraient déployés au Royaume-Uni. Le site de Greenham Common avait été réquisitionné pendant la guerre pour servir de base aérienne aux Américains. Statut qu'il avait encore, et personne n'avait pensé à le réclamer depuis. Je n'en revenais pas qu'on puisse en arriver là, à une folie pareille. Et je n'étais pas la seule à être très en colère, très remontée contre la situation. Et je faisais partie d'un groupe local qui militait pour le désarmement. On voulait rédiger un tract pour défendre un pays de Galles sans armes nucléaires. Et en évoquant le cas de Greenham, j'ai éprouvé ce terrible sentiment d'urgence, d'alarme, de panique, pour ainsi dire. Nous étions à un tournant décisif. Il fallait que la course à l'armement fasse la une des journaux, qu'elle ne soit plus cet élément d'information anecdotique, à moitié dissimulé. Et je suis tombée sur un article au sujet de femmes scandinaves qui avaient organisé une marche de Copenhague à Paris. Je me suis dit que c'était une excellente idée et qu'on pourrait le faire ici aussi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ça a été l'étincelle. We set out to march to Greenham, making friends along the way. Cardiff, Newport, Bristol, Newbury, walking, walking for 10 days. It was 1981. C'était en 1981. J'avais 26 ans. Je venais de m'installer dans le sud du Pays de Galles pour travailler pour un magazine de gauche. Left Wing Magazine. C'est l'une des premières missions qu'on m'a confiées. On m'a dit, il y a une espèce de marche de femmes. Et on m'a envoyé la couvrir. C'est là que nous avons décidé que la marche serait menée par des femmes, le but étant de leur offrir une plateforme pour exprimer leur vision. The people of this country have never been consulted over nuclear defense policy. We therefore demand a public dialogue between politicians and ordinary people on this issue. I guess they were trying. Ce qu'elle cherchait à dire, c'est que l'enjeu était des plus élevés. Il était question de la vie partout sur la Terre. Parce que les armes nucléaires ont la capacité de tout détruire. Destroy all of it. En chemin, on a décidé que quatre d'entre nous s'enchaîneraient aux grilles de Greenham. Si on en était arrivé là, c'est que tout simplement on n'avait pas obtenu l'impact que l'on souhaitait obtenir avec cette marche. On s'est dit qu'il y aurait forcément une forme de réaction à ce geste, à ces quatre femmes enchaînées à l'une de leurs bases. Je crois qu'un journaliste était allé à Londres recueillir la réaction du ministère de la Défense et il avait eu pour toute réponse « aucune importance, qu'elles y restent autant qu'elles veulent ». Vous êtes toujours sur le 89.5 FM de Radio Dio, l'émission antimilitariste « J'irai pas ». C'est déplacé à aujourd'hui 13 septembre. Habituellement, on peut la retrouver le premier mercredi du mois à 17h et on peut écrire aussi à jirepa@riseup.net. On écoutait un premier extrait du film « Des femmes face aux missiles ». Alors, je risque de faire des erreurs parce que je pense à chaque fois au film « Des pierres contre des fusils ». Alors non, le film, c'est « Des femmes face aux missiles ». Où on peut entendre un peu de novlangue militaire. Vous avez remarqué ? Comme le fameux théâtre d'opération, qu'on entend régulièrement, ou la modernisation. Ça fait penser à cet article du Canard enchaîné, plus de 40 ans après, c'est-à-dire la semaine dernière, qui nous parle de modernisation. Joe Biden a lancé un programme de modernisation des B-61. Les B-61, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont un modèle de bombe thermonucléaire dont il y a plus de 150 exemplaires disséminés en Allemagne, Belgique, Turquie, Pays-Bas et Italie dans les bases de l'OTAN. Des bombes qui ont chacune une puissance de 10 à 340 kilotonnes. À titre de comparaison, celle larguée à Hiroshima faisait 15 kilotonnes. Modernisation toujours, et en Angleterre cette fois, c'est la base de Lakenheath, à 100 km de Londres, occupée par les États-Unis, qui va s'agrandir et accueillir le personnel nécessaire à de nouveaux escadrons d'avions de chasse F-35, qui, soit dit en passant, ces avions de chasse F-35 seront à capacité nucléaire. Donc ça fait potentiellement encore une autre base de l'OTAN sur laquelle il pourrait y avoir des bombes atomiques qui traînent. Et tout ça, là, c'est aujourd'hui. Hein. On comprend que le documentaire, il date des années 80, à partir du 12 décembre 79, où la base de Greenham Common est choisie. Novlangue toujours, et pour conclure, les stratèges états-uniens veulent ainsi accroître leur flexibilité opérationnelle. Encore un mot de novlangue actuelle. Alors, c'est peut-être un peu artificiel justement de faire des liens entre la crise des euromissiles dans les années 80 et 70-80 et aujourd'hui. Mais vous avouerez qu'il y a quand même pas mal de similitudes, non ? Ça fait penser à ce qu'on disait le mois dernier de la phrase de Clausewitz, « La guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens ». Le mois dernier, on avait inversé cette phrase avec Jean-Marc Royer et Gunther Anders quand on parlait de la bombe atomique. Et Jean-Marc Royer nous dit « Depuis la Seconde Guerre mondiale, la politique et l'économie sont la poursuite de la guerre aux vivants par d'autres moyens. » En inversant la fameuse phrase du 19e siècle de Clausewitz. Et ce retournement a été imposé par les complexes scientifico-militaro-industriels, complexes dont on parlait avec André Michel, enfin plutôt avec son livre « Féminisme et antimilitarisme ». Mais revenons au film. À Londres, on dit « Qu'elle reste ?» Ok. Alors, à Greenham Common, elles sont restées, elles ont trouvé des moyens de faire parler d'elles, elles se sont organisées, elles ont lutté. J'en passe à un deuxième petit bout où on entend le complexe de militaro-industriel. Enfin, retrouver mes propres enfants. Je participais à la création d'un terrain de jeu avec des enfants quand j'ai entendu parler par des amis de ce camp pour la paix. J'y suis allée une première fois en février 1982, et ce qui m'avait en partie convaincue, c'est que les femmes du camp avaient établi que ce serait une action exclusivement féminine. Au début, ce n'était pas le cas. Et les femmes ont décidé qu'elles voulaient être les porte-parole, les leaders de ce mouvement. Elles souhaitaient disposer d'un endroit pour exprimer la colère et la peur que leur inspirait la course à l'armement nucléaire. C'est ce qui m'a touchée personnellement. Et je me suis dit, un endroit créé par des femmes, est-ce que je pourrais y participer? Est-ce que je veux y participer? Ma réponse, c'était oui. Pour moi, ça a été décisif. J'y aurais probablement fait des séjours par intermittence si le camp était resté mixte. Mais je ne pense pas que j'aurais pu y aller avec l'intention d'y vivre. Ce qui était particulièrement frustrant pour les femmes à l'époque, c'est que n'importe quel groupe politique était forcément dominé par les hommes. Comme beaucoup de choses en 1982. Alors il y avait quelque chose d'extrêmement émancipateur dans le fait d'agir différemment. C'était nouveau à l'époque. C'est parce qu'il était exclusivement féminin que le mouvement de Greenham a pu explorer, choisir, élaborer de nouveaux modes d'action directe non violente, de nouveaux modes de résistance au patriarcat militaro-industriel. Patriarchy. We are women standing strong. We are women standing strong. We're not going anywhere until you ban the bomb. We are women standing strong. We are women standing strong. We are women standing. Alors, on est toujours sur Radio Dieu. On vient d'écouter une deuxième séquence du film Des femmes face aux missiles. Et ça me permet de faire un lien avec l'actualité un petit peu à propos de féministes russes contre la guerre. Il faudrait potasser plus, mais apparemment elles parlent dans leur pays d'une normalisation de la violence, à la fois de la violence sexiste et de la violence de guerre, en fait, que c'est tout à fait normal en Russie d'être violent à la fois de manière conjugale ou envers d'autres États. Et donc, vu que ça s'est normalisé, et d'ailleurs, alors dans un document, on peut lire que, a priori, depuis 2017, les violences conjugales sont décriminalisées en Russie. Aussi, on peut voir de la propagande anti-IVG qui nous dit qu'un avortement, c'est un combattant de moins contre les nazis, contre tout ce que vous voulez. Du coup, il y a une espèce d'offensive anti-féministe qui a l'air de se développer depuis des années en Russie. Et donc, évidemment, ce n'est pas univoque dans leur collectif, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de féministes en Russie qui se battent à la fois contre la guerre, qui se battent contre la guerre de diverses façons, en exposant des messages, en soutenant les personnes qui fuient l'Ukraine, en soutenant les personnes qui désertent aussi, à la fois en Russie et en Ukraine, du coup qui sont contre la guerre, quoi. Et en faisant quelques recherches, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire pour le coup de Alexandra Skochilenko, une militante russe de 33 ans qui avait manifesté contre la guerre dès le 24 février 2022 et qui est aujourd'hui en prison. Et d'ailleurs, depuis un an et demi, en fait, elle avait dénoncé le bombardement de Mariupol en affichant des petits bouts de papier dans un supermarché. Elle a été dénoncée par une cliente et se retrouve en préventive et elle risque jusqu'à entre 10 et 15 ans de prison. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, du coup, on pouvait parler de Alexandra Skocilenko et aussi d'une campagne que mène Amnesty International par rapport à la détention de cette personne qui est toujours en préventive et dont on n'a pas de nouvelles du procès. On ne sait pas si elle va passer 10 ans de prison pour des petites étiquettes déposées dans un supermarché. Ça a l'air assez craignos de critiquer l'armée en Russie. Du coup, je me dis que tant qu'on a l'occasion en France de critiquer l'armée, la guerre, l'armement et les opérations militaires de toutes sortes, tant qu'on a l'occasion de le faire, bah, probablement faut pas hésiter, quoi, non ? Je sais pas. Pour l'instant, c'est encore possible. En tout cas, on risque pas encore 10 ans de prison. Et bah, du coup, allons-y, quoi. C'est peut-être d'ailleurs le but de cette émission. Et pour continuer. Donc, on retourne dans les années 80 et je vous passe une dernière séquence du film des femmes face aux missiles, pardon. Une dernière séquence qui se passe le 12 décembre 82. On l'écoute tout de suite. Ça dure 7 minutes. J'avais appris que le camp était menacé d'expulsion et que toutes ces femmes avaient désespérément besoin que d'autres femmes viennent les soutenir sur place. Le 9 août 1982, j'avais bouclé mes examens et je rédigeais ma thèse sur la rivalité entre les États-Unis et l'URSS dans la reconstruction du Japon. Et j'ai choisi cette date qui commémore Nagasaki pour prendre ma moto et me rendre à Greenham. J'avais décidé d'y rester la semaine. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'au final, j'y suis restée 5 ans. Ils évacuaient le camp, et c'est là qu'un petit groupe d'entre nous s'est réuni autour d'un feu et s'est dit « Il faut trouver le moyen de faire venir des milliers de femmes à Greenham ». Et on a mis au point cette action qu'on a baptisée « Embrace the Base ». Combien de femmes se donnant la main faudrait-il ? C'est une question mathématique. Combien de femmes se donnant la main faudrait-il pour encercler un périmètre de 15 km ? Il en fallait environ 11 ou 12 000. On s'est dit qu'on pourrait aussi agrandir le cercle avec des foulards. Et c'est comme ça qu'on a décidé de le tenter. On s'est organisé au moyen d'une chaîne de lettres. C'était une invitation et l'idée était de l'envoyer à 10 personnes, mais de ne pas s'embêter à l'envoyer à des gens dont on savait qu'ils ne viendraient pas. On l'envoyait à des personnes qui seraient très probablement intéressées. Je venais de commencer des études de cinéma et mon idée, c'était de partir caméra à l'épaule et d'apprendre à m'en servir. J'avais juste prévu de passer le week-end à Greenham suite au grand appel qui avait été lancé pour y venir. Et quand on s'est croisés à la cantine avec Amanda Richardson, ma co-réalisatrice, on a décidé d'y aller sans grand projet, sans projet à long terme. À l'aube, il y avait encore beaucoup de brume et les gens se sont mis à arriver d'un peu partout, comme s'ils émergeaient de la brume. Et cette image mouvante de toutes ces personnes qui apparaissaient dans la brume, c'était très poétique, très exaltant. Et puis la brume s'est dissipée avec le jour qui s'est levé. Et il y avait de plus en plus de femmes. Et il régnait une forme de joie, comme quand on se rend compte qu'on fait partie de quelque chose d'exceptionnel, qui se déroule en temps réel, sous vos yeux. Toute la journée, des femmes ont continué d'arriver. Arrived. On s'est retrouvés par groupe aux différentes portes et on s'est déployés le long de la clôture de façon à ce que chaque chaîne humaine relie une porte à l'autre. Et ce qui était extraordinaire, c'est ce qu'on entendait. On entendait les chants nous parvenir depuis l'autre côté de la base. On entendait cette rumeur monter de toutes parts. C'était absolument incroyable. Je me souviens que je tenais la main de ma mère d'un côté et celle de cette femme que je ne connaissais pas de l'autre. Et je levais les yeux vers elle pour les regarder. Il y avait tous ces chants et elle me souriait. Je me souviens que je me suis dit, « Waouh, comme ces femmes sont cool !» Et ma mère est vraiment cool. Et un jour, je serai une femme, moi aussi, et ce sera super cool. On était partis pour le week-end. Et le dimanche soir, j'ai dit à Amanda, on ne va pas rentrer, si? Et elle m'a répondu, non, je ne crois pas. Je crois que l'estimation s'élevait à 30 000 personnes. Et grâce à sa couverture médiatique internationale, cette action a été comme le départ d'une immense vague fracassante qui a déferlé à travers le monde entier. Really, worldwide. Ça a été un tournant pour nous, parce qu'on s'est rendu compte du pouvoir qu'on avait. Et ça a dû être un grand tournant pour Thatcher et son gouvernement, parce qu'ils l'ont compris eux aussi. Nous n'étions pas armés. Nous n'étions pas un agresseur armé. Mais nous avions les moyens de démolir leur politique en continuant à bâtir notre mouvement. Embrace the base. Pendant l'action Embrace the Base, les policiers se promenaient avec le sourire, parfois à cheval, mais vraiment sans aucune agressivité. Ils posaient même pour se faire prendre en photo avec les femmes. Mais quand l'opération Close the Base a commencé, je pense qu'ils n'avaient pas anticipé qu'autant de femmes y participeraient. Je ne m'étais jamais retrouvée confrontée à une telle violence jusque-là dans ma vie. C'était effrayant, très effrayant. Effrayant, effrayant le 13 décembre, le 13-12-82. C'était effrayant l'opération Close the Base. Mais auparavant, c'est fou qu'elles aient réussi à réunir 30 000 personnes en s'envoyant des lettres. Alors, l'extrait que j'ai choisi parle de 12 et du 13 décembre 82 et se termine par des actes effrayants, des actes violents de la part des flics. Et effectivement, on voit dans la suite du film que la police et la justice conduiront régulièrement des militantes en prison. Mais la lutte autour de la base a continué, avec des intrusions dans la base, d'autres campements, du harcèlement des militaires états-uniens qui voulaient faire leurs essais en pleine nuit. Et donc, je vous invite à voir le film. Les images parlent aussi. On a entendu que le son. Mais c'est assez beau, par exemple, de voir ces milliers de personnes qui arrivent à l'aube pour entourer la base militaire de Greenham Common. Alors, s'il a fallu attendre 91 pour que les missiles repartent, et l'année 2000 pour que la base redevienne un terrain communal, les militantes n'ont pas cessé de mettre la pression aux autorités parce qu'elles refusaient la guerre, parce qu'elles refusaient l'armement nucléaire et tout le complexe industriel qu'il y a derrière. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces militantes raconter leur combat, leur lutte et de voir aussi les images de l'époque. Donc voilà, je vous invite à voir ce film « Des femmes face aux missiles » de Sonia Gonzalez, sorti en 2021 et disponible sur Arte. Et tout de suite, on écoute une chanson qui fait partie de la BO du film, je pense, et qui s'appelle « Take the Toys from the Boys ». Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois à 17h. On vient de clore une première partie où on passait des extraits du film Des femmes face aux missiles, qui parle d'une lutte de femmes contre une base de l'OTAN stockant des missiles nucléaires dans les années 80. Elle parle du complexe militaro-industriel et quelques-unes feront des allers-retours en prison réprimées pour leur activisme. Je ne peux m'empêcher d'y voir que la lutte contre l'armement dépasse la lutte pacifiste. C'est d'ailleurs André Michel qui dira que depuis qu'elle enquête sur le complexe militaro-industriel, elle ne se dit plus pacifiste mais antimilitariste pour signifier son opposition à toutes les opérations menées pour promouvoir la vente, la production d'armement. Et on a vu avec les extraits du documentaire qu'elles peuvent se déployer à vitesse grand V ces armes. Et aussi avec l'article du Canard, du coup, qui date de ce mois-ci, par rapport à la base de Lacan-S, toujours au Royaume-Uni, en Angleterre plus précisément, pour cette base-là. On a vu aussi qu'il y a, du coup, grâce à ce documentaire, des gens qui luttent. Et enfin, on a vu avec l'accident dans l'Arkansas dans les années 80 qu'avoir des armes sur son territoire, c'est pas vraiment un gage de sécurité, puisque ça peut aussi nous péter à la gueule. Accidentellement, comme l'accident en Arkansas, ou intentionnellement. C'est le cas, par exemple, au Salto di Quira, en Sardaigne, dans le Poligono Interforce del Salto di Quira, où, pour 1 million d'euros par jour à payer à l'État italien, l'OTAN, des firmes privées, peuvent tester leurs bombes, l'OTAN ou des firmes privées ou des États peuvent tester leurs bombes, leurs missiles ou autres joujoux sur ce gigantesque champ de tir occupé depuis 1956 par l'armée. Poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au bras d'un carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois qu'il y a des cibles à cacher à l'étage. Coup de poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au bras d'un carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois que. Alors, il y avait une phrase mes potos à moi, ils aiment pas l'état. Eh ben, la France. En Sardaigne, du coup, au Salto di Quirra, a par exemple lancé plus de 1200 missiles Milan, des missiles au thorium, via l'entreprise MBDA, filiale de ADS. Il y a aussi eu plein de tests de missiles à uranium appauvri, si bien que les personnes qui vivent autour, en Sardaigne toujours, meurent prématurément ou sont gravement intoxiquées. Là-bas aussi, il y a des gens qui luttent contre ce champ de tir. Et récemment, une brochure a été traduite en français qui parle de cette lutte autour du Salto di Quirra en Sardaigne pour que dégage l'OTAN leurs missiles à uranium appauvri, les missiles français au thorium qui empoisonnent humains et animaux, et aussi les sols qui sont un véritable champ toxique, quoi. Alors vous me direz, c'est rien. 1200 missiles au thorium comparé aux 30 000 obus qui sont tirés chaque jour en Ukraine. Bah justement, en fait, tout ceci s'ajoute et contribue à rendre littéralement l'atmosphère de plus en plus irrespirable. On disait quoi sur le complexe militaro-industriel ? On disait quoi sur l'État ? Et puisqu'on parle d'uranium appauvri, c'est l'occasion de balancer une autre info. On lit dans un article de Mediapart que les États-Unis vont livrer des missiles à uranium appauvri à l'Ukraine. Les Anglais leur en avaient déjà livré en mars, et l'article rappelle que le Parlement européen avait recommandé à ses États membres de ne pas les utiliser en 2008, En 2008, ils avaient rappelé de ne pas les utiliser en raison de l'existence de nombreux témoignages sur les, je cite, « effets nocifs et mortels tant sur les civils que les militaires ». Et ces témoignages, on en trouve par exemple parmi les Irakiennes et les Irakiens qui ont subi la guerre du Golfe de 90 ou l'invasion de l'Irak en 2003. Alors, missiles nucléaires, missiles au thorium, missiles à l'uranium appauvri, même si ces deux derniers ne rentrent pas dans la catégorie des armes nucléaires, il y a dans 10 jours à Lyon, pas loin de chez vous, une marche pour s'opposer aux armes nucléaires, pour un monde sans armes nucléaires. Ce sera le 23 septembre à Lyon. Il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés, j'en ai parlé le mois dernier, mais comme la date approche, j'en reparle. Il y a un rendez-vous à 9h, place des Terreaux, à Lyon, le 23 septembre, pour le début des festivités, puis une marche jusqu'à Vaise, duquel on pourra se rapprocher de Limonest, qui est pas très loin, où ça peut consister à un deuxième rendez-vous à partir de 12h30 pour sortir un pique-nique, et s'apprêter à marcher encore à peu près une heure, dans les bois, à partir de 14h30, à partir du bois du parc des sports de Limonest jusqu'au mont Verdun, pour y arriver autour de 15h45 jusqu'à 16h30 pour chanter, pour prendre la parole. Et pourquoi le mont Verdun ? Eh ben, on l'a déjà dit, c'est parce que c'est l'endroit où il y a la force de commandement de l'arme nucléaire française. Voilà. Cette marche appelle la France à participer comme État observateur à la seconde réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui se déroulera au siège des Nations Unies à New York fin novembre 2023 dans la perspective de son adhésion pour interdire l'arme nucléaire. Voilà, on passe une petite dédicace secrète avant de passer à la deuxième partie culturelle de cette émission. La dédicace secrète, la voici. C'est Michel Fugain. Qui c'est qui est très gentil ? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant ? Très méchant. Qui a tous les premiers prix ? Très gentil. Qui roupille au dernier rang ? Très méchant. Qui fait les économies ? Très gentil. Et qui gaspille son argent ? Très méchant. Fusil. Très gentil. C'est comme à Guignol, spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie? Les gentils. Pour qui t'as un gros penchant? Les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Oh! Ils font l'amour le samedi. Les gentils. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils traîneront le cœur content, les méchants, les gentils méchants. Je ne peux pas oublier la guerre. C'est les premiers mots d'un texte qui s'appelle Je ne peux pas oublier de Jean Giono, publié en 1934 dans un recueil, dans un bouquin qui s'appelle Refus d'obéissance. Et on va en lire un petit bout, si vous avez encore la patience. On va en lire un petit bout tout de suite. Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser et brusquement je la revois. Je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. J'ai été soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans. Dans les régiments de Montagnards, au 159e de Briançon, puis au 140e de Grenoble, avec M. Vidon, qui était mon capitaine et qui habite encore un faubourg de Grenoble avec ses filles. Nous sommes les seuls survivants de la 6e compagnie du 140e d'infanterie. Nous avons fait les Éparges, Verdun, Vaux, Noyon-Saint-Quentin, le chemin des Dames, l'attaque de Pinon, Chevrillon, le Quémel. La 6e compagnie a été remplie 100 fois et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division, comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide, enfin, quand il ne restait plus que quelques hommes au fond, comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie 100 fois, et 100 fois, et 100 fois on est allé la vider sous la meule. Nous sommes de tout ça les derniers vivants, Vidon et moi. J'aimerais qu'il lise ces lignes et qu'il trouve son nom. Il doit faire comme moi le soir, essayer d'oublier. Il doit s'asseoir au fond de sa terrasse et lui, il doit regarder l'Isère verte et grasse qui coule en se balançant dans les bosquets de peupliers. Mais tous les 2 ou 3 jours, il doit subir, comme moi, comme tous, et nous subirons jusqu'à la fin. Je n'ai pas honte de moi. En 1913, j'ai refusé d'entrer dans la société de préparation militaire qui groupait tous mes camarades. En 1915, je suis parti, sans croire à la patrie. J'ai eu tort. Non pas de ne pas croire, j'ai eu tort de partir. Ce que je dis n'engage que moi. Pour les actions dangereuses, je ne donne d'ordre qu'à moi seul. Donc, je suis parti. Je n'ai jamais été blessé, sauf les paupières brûlées par les gaz. Je n'ai jamais été décoré, sauf par les Anglais, pour être allé chercher 2 aveugles dans le couloir de l'hôpital de Wardmouth qui brûlait. Donc, aucune action d'éclat. Je suis sûr de n'avoir tué personne. J'ai fait toutes les attaques sans fusil ou avec un fusil inutilisable. Je n'ai pas honte. Mais à bien considérer ce que je faisais, c'était une lâcheté. J'avais l'air d'accepter. Je n'avais pas le courage de dire « Je ne pars pas à l'attaque. Je n'ai pas eu le courage de déserter. Je n'ai qu'une seule excuse, c'est que j'étais jeune.

Je me disais, tu barreras dans l'histoire de France de ta fille tout ce qui est exaltation à la guerre. Mais il aurait fallu tout barrer. Et comme j'avais malgré tout essayé, l'institutrice vint chez moi et me dit, que voulez-vous, monsieur Giono? Comment pouvons-nous faire? Quand je revoyais mes amis, ils me répondaient pétrole, pommes de terre, charbon, place, sous, salaire. Il y aura toujours des guerres, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ils en arrivaient même à me dire, c'est dans la nature de l'homme. Ceux qui répondaient ça, c'étaient les malins, ceux qui lisaient des livres. Et chaque fois que je sortais sur les chemins de terre, je rencontrais des petits enfants aux cheveux follets qui jouaient avec des herbes et je savais que tout ça n'était que viande bouchère et il n'y avait donc plus qu'à pleurer. Celui qui est contre la guerre est par ce seul fait dans l'illégalité. L'État capitaliste considère la vie humaine comme la matière véritablement première de la production du capital. Il conserve cette matière tant qu'il est utile pour lui de la conserver. Il l'entretient car elle est une matière et elle a besoin d'entretien. Et aussi pour la rendre plus malléable, il accepte qu'elle vive. Il a des maternités où l'on accouche les femmes avec autant de soins qu'on peut. Il a des écoles où les inspecteurs primaires viennent caresser les joues des enfants. Il a des stades où l'on fait faire du sport à 22 hommes et où l'on donne le spectacle à 40 000. Un spectacle déjà de bataille, de lutte, de camp. Il a des casernes. L'enfant au bout du chemin qui joue avec des herbes ne peut être considéré dans sa beauté et dans son humaine liberté que par deux ou trois fous de mon genre. Si je pense qu'il a les yeux bleus et qu'il portera toute sa vie la gloire d'avoir les yeux bleus et qu'il s'en ira, blondasse, vagabond du monde, à la recherche de l'espoir, du désespoir et de l'amour, si moi je pense qu'il va peut-être nourrir dans sa tête les rythmes, les formes et les musiques qui porteront l'humanité un peu plus avant dans l'immense prairie des étoiles. Si je pense que sans doute il ne sera qu'un homme parmi les hommes, un écouteur, et non pas celui qui souffle dans le bugle, un de l'auditoire et non pas celui qui est debout dans le cercle, je me dis, moi, quoi qu'il fasse, il est vivant. J'admire cette vie. L'État capitaliste s'en sert. La guerre n'est pas une catastrophe, c'est un moyen de gouvernement. L'État capitaliste ne connaît pas les hommes qui cherchent ce que nous appelons le bonheur. Les humains, dont le propre est d'être ce qu'ils sont, des humains en chair et en os. Il ne connaît qu'une matière première pour produire du capital. Pour produire du capital, il a certains moments besoin de la guerre, comme un menuisier a besoin d'un rabot. Il se sert de la guerre. L'enfant, les yeux bleus, la mère, le père, la joie, le bonheur, l'amour, la paix, l'ombre des arbres, la fraîcheur du vent, la course des eaux, il ne connaît pas. Il ne reconnaît pas dans son état, dans ses lois, le droit de jouir des beautés du monde en liberté. Économiquement, il ne peut pas le reconnaître. Il n'a de loi que pour le sang et pour l'or. Dans l'état capitaliste, ceux qui jouissent ne jouissent que de sang et d'or. Ce qu'il fait dire par ses lois, ses professeurs, ses poètes accrédités, c'est qu'il y a le devoir de se sacrifier. Il faut que moi, toi et les autres, nous nous sacrifions. À qui ? L'État nous cache gentiment le chemin de l'abattoir. Vous vous sacrifiez à la patrie ? On n'ose plus le dire déjà. Mais enfin, à votre prochain, à vos enfants, aux générations futures. Et ainsi de suite, de génération en génération. Qui donc mange les fruits de ce sacrifice à la fin. Je préfère vivre. Je préfère vivre et tuer la guerre, et tuer l'État. Je préfère m'occuper de mon propre bonheur. Je ne veux pas me sacrifier. Je n'ai besoin du sacrifice de personne. Je refuse de me sacrifier pour qui que ce soit. Je ne veux me sacrifier qu'à mon bonheur et au bonheur des autres. Je refuse les conseils des gouvernements de l'État, des professeurs de l'État, des poètes, des philosophes de l'État. Ne vous dérangez pas, je sais où c'est. Mon père et ma mère m'ont fait des bras, des jambes et une tête, c'est pour m'en servir, et je vais m'en servir cette fois. On ne peut plus se promener sur le champ de bataille avec son fusil pareil à un bâton. Le dédain, l'acceptation du martyr, la non-résistance, rien de tout ça ne peut être maintenant efficace. Croyez-vous que l'État va s'arracher le cœur de bon gré ? La guerre est le cœur de l'État. La guerre irrigue de sang frais toutes les industries de l'État. La guerre fait monter aux joues de l'État les belles couleurs et le duvet de pêche. Vous croyez que de son bon gré, l'État va s'arracher le cœur parce que vous êtes touchant, bel imbécile, marchant dans la ligne de tirailleurs avec votre fusil pareil à un bâton. Il n'y a qu'un seul remède, notre force. Il n'y a qu'un seul moyen de l'utiliser, la révolte. Il est mort à la guerre, c'était un matin, il expliquait tout faire, tel était son destin, mais revenons en arrière afin d'essayer de comprendre. Ce qui engendre la foi meurtrière dans les cœurs de pierre et ses chefs de guerre solidaires. de malin pour prendre la vie de quelqu'un. Alors charron de fusil et baïonnette à portée main. Et sur les lèvres, une chanson repris en cœur par tous les bataillons. Les femmes et les enfants pleureront, car maintenant dans nos guerres, nous en tuent par millions. Déplacés, postulés, on s'abuse avec nous toutes les têtes qu'on le propre soit d'être tout un tas de produits chimiques. Un jour ou l'autre, tout ça verra. Un jour ou l'autre, la révolte explosera. Voilà, c'est la fin de cette émission J'irai pas. On se retrouve le premier mercredi d'octobre, le 4 octobre si je ne me suis pas trompé. D'ici là, la jeunesse emmerde le service national. À bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. You've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back. You will never walk alone. Another run has just begun. But against the swarm, try to lock the gates. So we take it back by storm. See you back on track. You've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back. You will never walk alone. We take it, kill it, deliver, I'm roaring. Kill it, I'm figuring out to the law. And they get a creepy, dirty gun claw. You'll never survive this for hell no. 31 kicks, they still see mass. Seven acts with the pigs, they get in their guts. Run with the rocks and the gates don't cost. None of they care, we're summoning fast. City won't fight. Proud of the king, so keep out the fight. Enemies want to fight, they can't get that right. Like a bounty, fight in the world. You can fight the lie of being told. Free. Broke out, you kill him, sword. Never gonna stop, but my. Another run has just begun. Run against the swarm. Try to lock the gate, so we take him back by storm. See you back on track, you've come from the hood that you're not come from. No regrets, no looking back. You will never walk alone. You will never walk alone. You will never walk alone. And who in a van, it's a van with a red X. And then fire will end and meet the reptilian god. And a worship all the kids in the last bit, make it worth it. Dance to the beat of Crocodile Moses. Fighting the waves of the rain can't stop this. Fast on the fast track, aim for the headline. Ghost dog, main with the mic. Moscow to Rostock, war for the ski mask. Paris to London, walls of the fortress. Gonna go down, they dig it in the mood to be digging like more. Unlimited, it's still limited to the door. Like a bounty, fight in the world. You can fight the lie of being told. Free. Broke out, reptilian sword. Never gonna stop us, my. Another run has just begun. Run against the swarm, try to lock the gate. See you back on track, you've come from the hood that you've not come from. No regrets, no looking back, you will never walk alone. You will never walk alone. You will never walk alone. Just begun, run against the swarm. Try to lock the gate, so we take him back by storm. See you back on track, you've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back, you will never walk alone. Another run has just begun, run against the swarm. Try to lock the gate. N'oubliez pas le 23 septembre, en marche contre les armes nucléaires à Lyon. 23 septembre à partir de 9h jusqu'à toute la journée contre les armes nucléaires en France. Walk alone. Et voilà, c'est la vraie fin. Et on pourra entendre à 19h la rediffusion de Plus fort, j'entends rien. Ciao.